Alors, je vais poursuivre la conférence de vendredi. Je n'ai pas eu le temps de terminer sur les hommes miracles. Il y a quelques personnes qui m'ont dit que cette conférence sur les hommes miracles, on n'avait qu'à se procurer la cassette et à jeter toutes les autres. Alors, sans doute qu'il est intéressant de la continuer. Une heure sur ce sujet était un peu court. Dans les hommes miracles, il y a les archanges, les protecteurs du futur, les protecteurs de la mémoire. Il y a les Melchisedec, les courbeurs de temps, catalyseurs d'évolution. Et il y a les avatars, ceux qui installent le chemin de l'oubli, ceux qui installent un chemin pour que l'être humain oublie le passé, de façon à ce que, inconsciemment, il se rappelle l'avenir. L'avatar instruit l'homme à se rappeler de l'avenir en engendrant ce que l'homme appelle l'espoir. L'espoir est une mécanicité qui permet à l'homme de se rappeler le futur, même si dans sa cérébralité, il n'a pas de conditions neuroniques lui permettant de comprendre que le futur a déjà été accompli. Étant donné que l'homme ne peut pas comprendre que le futur ainsi que le passé sont deux conditions de l'instantané, parce que l'homme enligne une partie de l'instantané dans ce qu'il appelle le passé, et il prétend que ces choses ont été faites, alors qu'en réalité, elles restent faites, il ne peut pas comprendre que le futur a aussi été fait. Et pour que l'être humain puisse supporter l'idée de se rappeler l'avenir, on appelle cela l'espoir, on appelle aussi cela la foi. L'archange, qui est le protecteur du futur, vient de temps en temps sur le cheminement évolutif planétaire de l'homme pour réaligner l'homme de façon à ce que la mémoire de l'homme, la mémoire du futur qu'est l'homme, continue son cheminement sans qu'il y ait de perturbation mémorielle, c'est-à-dire de mélange mémoriel à travers les destinées de chacun des humains et finalement de chacun des canals. L'archange peut provenir des cieux comme il peut provenir du ciel. Il rejoint l'homme, il rejoint certains humains par le biais des sphères spirituelles, et c'est à ces humains l'archange révélera une partie de l'avenir. Et cette partie de l'avenir révélée à l'homme servira de trame pour que l'homme s'y dirige, même si l'homme a inconsciemment oublié l'avenir. C'est pourquoi dans les traditions théologiques, on dit que l'archange est un messager des dieux. Il vient donner à l'homme ce que les dieux attendent de lui. En réalité, il préserve l'avenir et il vient dire à l'homme ce que l'homme doit faire parce que l'homme l'a déjà fait. Le courbeur de temps, le Melchisedec, phénomène effusionnel, on en a parlé il y a deux vendredis dans les mécanismes de l'effusion, phénomène effusionnel qui, à un moment donné, refuse totalement l'assujettissement des hiérarchies. Il peut provenir du plan planétaire, un être humain, un homme, une femme, peut devenir Melchisedec. Et il peut aussi provenir du refus dans certaines mécanicités de fusion à travers le fusionnement de plusieurs dimensions. Le Melchisedec est un courbeur de temps parce que c'est le seul phénomène qui a le privilège de pouvoir travailler dans cette élasticité qu'est le temps, de façon à ce que le passé rejoigne l'avenir sans que rien de la trame ne soit démoli, déformé ou changé. Il y a deux phases massives d'évolution présentement dans le continuum de l'homme. Il y a la matière, le spatial, qui, lui, ne peut pas être déformé et qui, lui, est cristallisé. On ne peut pas y échapper. On ne peut donc pas matériellement changer le passé. On ne peut donc pas matériellement changer le futur. Mais il y a l'autre partie de ce phénomène évolutif, le temps, qui, lui, peut être courbé à un point tel que la conscience laissée par le précurseur dont vous êtes la mémoire, que la conscience laissée par le précurseur puisse, elle, cheminer d'une façon saltatoire d'un endroit spatial à un autre par la courbature du temps. Ce que je veux dire est l'une des expériences que l'humain peut constater de sa vie lorsque des phénomènes similaires au phénomène Melchisédek viennent le régir, c'est lorsque l'être humain voit une journée apparemment passer en quelques heures. C'est lorsque l'être humain voit une heure passer en quelques minutes. C'est lorsque l'être humain se dit « pas déjà ». Tout le contexte de sa matière a cheminé, selon la mémoire laissée par le précurseur, à travers la matière. Rien n'a été changé. Mais la conscience exprimée dans la matière est partie d'un point pour aller à un autre point sans cheminer dans la matière, ce qui nécessairement, du point de vue de la matière, semble donner l'illusion à la conscience que la matière ou que le temps matériel a passé plus rapidement. L'individu qui trouve que le temps est long est un individu qui revient en arrière. Il avance 5 minutes dans le temps, il en recule de 4. Il avance 5 autres minutes, il en recule de 4. Autrement dit, à chaque 5 minutes, il avance d'une minute. Et nécessairement, par rapport au temps matériel, la conscience vivra l'illusion que le temps est long, que ça s'étire. Lorsque la conscience a la faculté melchisédienne de courber le temps et de passer de l'heure 5 à l'heure 7 en dedans de quelques minutes, le corps a poursuivi son vieillissement. Seule la conscience a échappé à l'étreinte du temps. Alors, si pendant ce saut de temps, le corps physique est malmené, la conscience n'en souffrira pas. Ce que je veux dire, et c'est pourquoi je poursuis cette conférence, c'est que lorsqu'un être humain est malade, lorsque le corps est malade, c'est que la trame laissée par son précurseur a prévu la maladie. Mais la conscience, elle, peut partir de l'avant-maladie, courber le temps et aboutir à l'après-guérison. Ce qui donnera l'illusion à la conscience d'avoir perdu conscience pendant 2 semaines, 2 mois, 2 ans. Mais cette conscience n'aura jamais souffert, seul le corps aura suivi le cours de la matière. Le précurseur, c'est vous qui êtes passé dans une instantanéité à travers le système spatio-temporel actuel. Dans la réalité des choses, vous êtes passé à travers un système 13 fois dimensionné, 11 fois primaire et 2 fois global. Et vous êtes passé sans aucune vitesse. Vous êtes passé instantanément. Tout ce qui passe instantanément dans un contexte limité par un déplacement du temps et de l'espace laisse une trace. Et cette trace, c'est de la mémoire. Et cette mémoire, elle est existentielle. Cette mémoire, elle est expérientielle, elle est cumulative l'une vers l'autre. C'est ce qu'on appelle, du point de vue de l'âme, l'évolution, accumuler de la mémoire. Sauf que l'accumulation de la mémoire dans le contexte évolutif réel, du point de vue d'un continuum spatio-temporel, est le retour des formes laissées en arrière vers la forme primaire qui est passée en premier. J'ai suffisamment expliqué cela vendredi. Lorsque le précurseur est passé, il a laissé en arrière de lui, il n'a pas eu le choix, des mémoires. Lui est instantané, mais il reste quelques milliards de temps mémoriel de son passage. Et ce temps mémoriel de son passage est en marche, en course, pour rattraper l'instantané. Alors, chaque être humain sur la planète Terre est en fait qu'une mémoire de ce qui est passé. Et cette mémoire, elle est cumulative du point de vue de l'âme, elle est cumulative énergétiquement du point de vue du mental, donc du point de vue de la conscience. C'est-à-dire qu'à travers la mémoire est restée la mémoire de la conscience. Et la mémoire de la conscience est ce qui engendre chez l'homme sa conscience. Cette mémoire de la conscience, elle se croit intentionnelle. Elle croit pouvoir prendre des décisions parce que dans sa mémoire, il y a la trace d'une intentionnalité. Ce qui amène à l'homme l'idée et l'illusion qu'il peut décider et qu'il a un libre arbitre. L'homme peut décider, mais le problème, c'est que l'homme a déjà décidé. Tout ce qui vous arrive présentement, vous l'avez décidé, mais pas vous en tant que mémoire. vous en tant que précurseur, vous en tant qu'entité instantanée. Lorsque la première fois vous avez réglé le problème de cette création, vous avez intentionnalisé tout le cheminement des mémoires pour que celles-ci vous parviennent dans un temps plus ou moins court et dans une intégralité plus ou moins complète. De ce fait, vous avez engendré des protections, un protectorat du futur par rapport à la mémoire qui le chemine, un protectorat de la mémoire, c'est-à-dire vous avez engendré un protectorat de vous-même en tant que mémoire. Ce protectorat s'appelle archange, il s'appelle ange, il s'appelle séraphin, l'enveloppe de l'âme, il s'appelle chérubin, l'interpréteur actionnel. Et ce protectorat est celui qui vous oblige à vous rappeler l'avenir, à vous rappeler ce que vous avez déjà fait. Ce protectorat archangélique, protecteur du futur, est celui qui accomplit vos décisions. Lorsque je parle de vos décisions, je ne parle pas de vous, qui n'êtes que la mémoire de ce passeur. Je parle des décisions que vous avez laissées alors que vous étiez instantané. L'univers n'a jamais existé, du point de vue de l'instantané. L'univers a, est et existe, et existera, du point de vue de vous-même, de la mémoire. À travers ce cheminement, le précurseur, l'instantané, a prévu un cheminement typiquement relié à la mémoire, à l'évolution de la mémoire, à travers le temps, à travers l'espace. C'est ce que vous appelez vos vies. Lorsqu'en conférence, je disais qu'il n'y avait ni libre arbitre ni destinée, je faisais référence, en ce qui concerne la destinée, à une mécanicité intentionnelle qui avait prévu pour vous votre vie. Il n'y a pas de destinée dans ce sens. Vous avez prévu pour vous vos vies. Dans ce sens, la mémoire est destinée. Étant donné que l'homme est la mémoire du futur, dans ce sens, vous êtes destiné. Mais c'est vous qui avez bâti le chemin. Étant donné que vous n'êtes que la trace mémorielle de celui qui a bâti le chemin, vous ne pouvez pas vous rappeler ce que vous n'avez pas encore expérimenté. Et l'archange est le protectorat qui va régir votre souvenance. Quand l'être humain apprend une nouvelle chose, il ne fait que se rappeler ce qu'il connaissait. Mais il doit consciemment cheminer à travers les mémoires pour parvenir à la conscience de ce souvenir. La souffrance est orchestrée par vous-même, pas vous en tant que mémoire, vous en tant que précurseur. Il se passe que votre main avance à une vitesse tellement folle par rapport au temps qu'elle n'avance pas. Elle n'était pas là, elle n'est pas là, elle a été partout en même temps. À travers le temps, il reste la mémoire de plusieurs mains qui sont en train de cheminer lentement l'une vers l'autre pour pouvoir réintégrer la première main. Et les mémoires des autres mains, quelque part à travers ces mains, l'une de ces mains, c'est vous. Vous en cheminement dans le but de retrouver l'instantané, ce qui a engendré les mémoires. En arrière de nous, il y a les mains qui nous suivent et qui veulent qu'on les attende. On appelle cela souvent force d'involution. En avant de nous, il y a les mains auxquelles on s'agrippe, qu'on appelle souvent force d'évolution. Il n'est pas question d'attendre. Il n'est pas question non plus de s'agripper. Et la mémoire fait ce que la mémoire peut faire. La première main qui est passée orchestre complètement le canal de mémoire pour que tout ce qui est dans ce canal ne puisse pas y échapper. S'il y échappe, la mémoire de la main pourra se mélanger à la mémoire du pied. C'est-à-dire qu'il y a différents êtres primaires qui sont passés, et les mémoires de ces êtres primaires ne doivent pas se mélanger, parce que cela va créer un noyau immense qui devra être décortiqué quelque part dans le temps pour revenir à l'instantané de ce qui les a engendrés. Et ce noyau, il existe de temps en temps. Ce noyau, cet engorgement, cette boule dans la gorge de la mémoire, elle existe de temps en temps. Elle apparaît dans un cycle de quelques millions, de quelques milliers d'années. Et nous sommes présentement tout proches d'un de ces cycles où l'évolution des mémoires de l'humanité aura de la difficulté à avaler. Ces cycles sont appelés par les messagers archangéliques. Ils sont appelés Apocalypse. La prophétie est normalement laissée par l'avatar ou par un être humain en contact avec un archange. La prophétie, ce n'est que l'élaboration dans la conscience mémorielle de l'homme d'une mémoire future qu'il a oubliée. Pour que la mémoire de chacune des mains soit complètement centrée l'une dans l'autre, un canal est créé. Ce canal, il est créé par le passage mémoriel du précurseur, de vous à l'instantané, qui n'avait jamais existé, parce que vous n'avez jamais été limité dans le temps et dans l'espace. La seule preuve d'existence de ce précurseur, c'est la mémoire, c'est l'homme. Le précurseur laisse des traces de façon à ce que vous puissiez continuellement, malgré que vous avez oublié l'avenir, vous diriger dans le bon canal. Et cela en considération du fait que vous avez une conscience mémorielle qui a la faculté de poser des questions, qui a la faculté de vouloir intentionnaliser les choses, qui a la faculté de se dire créateur, une conscience qui va servir de ciment à chacune de ses mémoires. Et nécessairement, pour que la conscience ne perde pas la vibration, que ce n'est pas elle qui va diriger, parce que la mémoire de la conscience, c'est comme de la conscience. Mais la mémoire de la conscience ne peut pas englober la totalité de l'événement. Lorsqu'on englobe la totalité d'un événement, on englobe l'événement dans son instantanéité. Alors, nécessairement, le précurseur, vous, avez orchestré un chemin. Un chemin qui va faire en sorte que la conscience sera continuellement affinée à se retrouver et sera obligée, dans l'évolution d'un corps matériel, de resuivre le chemin laissé par celui qui est passé avant vous. Pour forger la cimentation de la conscience, nécessairement, des mécaniques incomprises par l'homme sont instaurées. En l'occurrence, la souffrance. En l'occurrence, l'espoir. En l'occurrence, tout ce qui anime la vie de l'homme. Nous sommes présentement dans un cycle évolutif où l'humanité risque d'avoir de la difficulté à avaler. Elle aura de la difficulté à avaler plusieurs choses. La difficulté d'avaler provient, premièrement, du mélange des canaux. C'est-à-dire que trop d'humains se sont laissés collectiviser par des forces d'involution, c'est-à-dire par les mémoires du passé. Plus vous avancez dans votre schéma de conscience, plus votre mémoire devient claire. Nécessairement, plus l'homme va s'individualiser dans son plan de vie. Le passé, nous le cristallisons plus dans notre conscience que l'avenir. Nous préférons croire au passé que de croire à l'avenir. Mais le passé est une illusion aussi grandiose que l'avenir. Et bien souvent, l'avenir auquel nous voulons croire est l'avenir qui sera une projection de notre passé. C'est pourquoi des archanges, c'est pourquoi des avatars viennent, ont été prévus par la conscience, précurseur qui est passé avant nous. Et cette conscience a prévu toute la mécanicité que nous connaissons, qui semble idiote, inintelligente, évolutive, que nous connaissons. Nous sommes à un apogée. Nous sommes dans un endroit temporel et spatial où plusieurs de ces mélanges mémoriels devront être séparés et où plusieurs personnes qui vivent présentement la vie de d'autres devront réinstaurer, devront retrouver leur canal. Nécessairement, cela engendre des problèmes majeurs. L'avatar vient pour détruire la tradition. Le rôle de l'avatar engendre toujours un chemin de l'oubli. Les avatars, le Nazaréen était un avatar, il était autre chose qu'un avatar, mais il a accompli le travail d'un avatar en plus. Bouddha était un avatar. Enoch était un avatar. Saint-Germain était un avatar. Moïse était un avatar. Et on a plusieurs autres personnages dont les noms ne vous diront absolument rien parce qu'ils ont travaillé sur d'autres terres, sur d'autres continents et avec d'autres peuples. L'avatar est le chemin de l'oubli. Il détruit la tradition du passé en la transformant, en l'alchimisant en tradition de l'avenir. Alors, il permet à l'homme d'oublier le passé et il permet à l'homme de se rappeler le futur. Michel de Notre-Dame n'était pas un avatar. Il était en contact avec des forces archangéliques. Edgar Cayce aussi. Mais Edgar Cayce devait se limiter à certains travails. Et son ego a fait en sorte qu'il a voulu faire autre chose. Et il est devenu prophète temporel plutôt que prophète médical. Et là, l'archange l'a abandonné. Edgar Cayce a voulu continuer son travail, malgré que le contact archangélique était coupé. Et ce qui l'a amené est un contact hyper satanique, c'est-à-dire que ce qui l'a amené de la frime par la suite. À travers l'évolution avataresque de l'homme, il y a des mécaniques qui sont semblables, similaires pour tous. Ces mécaniques semblables et similaires pour tous, ce sont des mécaniques qui semblent collectiviser l'humain. L'humain s'y collectivise parce qu'il n'a pas la faculté de voir la subtilité de son individualité. Lorsqu'il pleut, cela peut sembler pour l'homme un cheminement collectif. Nous sommes tous mouillés. Mais nous sommes tous mouillés par des gouttes d'eau différentes. Le cheminement reste individuel, mais la chronologie de l'événementiel semble collectiviser l'événement pour les individus. Alors, l'individu va dire, nous sommes mouillés. Il devrait dire, je suis mouillé. Chaque fois que l'être humain parle au nom d'une collectivité, c'est parce qu'il ne se rend pas compte que l'événementiel qui le touche n'est pas l'événementiel qui touche autrui. Vous êtes en pleine guerre. La balle de fusil qui va vous blesser ne blessera pas personne d'autre. Il y a présentement sur cette planète un immense marasme. Il y a de plus en plus sur cette planète la destruction dans le monde de la mort, des égrégores de sécurité qui ont continuellement été engendrés par l'homme, attissés par l'homme, nourris par l'homme. Un égrégore de sécurité qui naît de la collectivité, qui naît du collectivisme national et social, qui est engendré par le phénomène que vit l'homme, par le phénomène qu'expérimente l'homme, qu'ensemble, on va s'en sortir. Cet égrégore est présentement, depuis quelques années, il est présentement hautement grignoté, grugé, attaqué par un avatar. Cet avatar est en train de grignoter et de détruire cet égrégore planétaire. Et lentement, la sécurité nationale, la sécurité au niveau des forces économiques, la sécurité au niveau des forces anti-guerre est en train de perdre. Cela se pressent à travers les égrégores individuels de chacun d'entre les hommes. Et plus l'être humain est conscientisé, plus il est sensible à cette perception. Cela se ressent par, dans la majorité des cas, par l'impression que tout va mal. Une impression noire, amique, astrale. Une impression qui peut aussi être supportée par le début de la dégradation des ressources financières de quelques-uns, par le début de la dégradation des ressources de santé de quelques-uns, par le début de la dégradation des ressources de compréhension pour quelques autres. Alors finalement, l'ego, l'âme, entre dans une mécanique apocalyptique de début, apocalypse de premier ordre, où le désordre semble s'instaurer. Alors que l'être humain fasse tout ce qu'il veut pour améliorer les choses, étant donné qu'il est régi par un écosystème, la majorité de son travail continuera à engendrer, à préserver chez lui l'impression d'une désintégration de systèmes sécuritaires, planétaires, nationaux ou sociaux. Tous ceux qui présentement travaillent et qui ont 45 ans et moins ne toucheront jamais de pension de vieillesse. Parce que premièrement, il y aura trop de personnes qui en toucheront et pas assez de gens pour le fournir et pour un paquet d'autres raisons. Ce sont des exemples de mécanicité sécuritaire qui s'en vont. L'individu qui prend une assurance vie est assujetti à l'illusion sécuritaire du phénomène. La majorité des assurances-vie ne seront pas payées. Il y a autre chose. Lorsque l'être humain est suffisamment individuel dans son évolution, ma femme devra prendre une assurance-vie pour moi, pas moi. Et elle devra la payer, si c'est elle qui en bénéficie. Dans la majorité des cas, c'est celui qui n'en bénéficiera pas qui la paye. Et cela le collectivise à l'autre. Il a l'impression qu'au moins ceux qui vont rester vont pouvoir en bénéficier, comme s'il lui restait avec eux, alors que c'est ceux qui restent qui doivent payer. Un exemple du collectivisme social. Il y a énormément de choses qui vont s'en aller. On est en 1988. Lorsque l'homme pressent l'éclatement de l'illusion, du point de vue de sa conscience égoïque, il ne se rappelle pas l'avenir. Il se rappelle le passé. Il reste assujetti aux traces laissées par les premiers avatars. Il reste assujetti aux prophéties de destruction et de guerre. Et au centre de l'universalité, il y a déjà eu un symposium qui s'appelait, qui traitait de l'apothéose. Après les prophètes de malheur, voici les prophètes de bonheur. Le phénomène archangélique règle et la température de la planète et l'évolution militaire de la planète et l'évolution économique et l'évolution des maladies et l'évolution des animaux et l'évolution des plantes et l'évolution des ressources minières et l'évolution de l'énergie et l'évolution de l'homme. Il y a par contre différents moyens pour la conscience qui habite la mémoire. Il y a différents moyens pour que cette conscience n'ait pas à passer par là. Vous vous êtes donné à l'origine des possibilités d'éviter des catastrophes. Plus l'homme reste assujetti au phénomène archangélique, plus l'homme reste assujetti au phénomène collectif de souvenance, plus l'homme reste assujetti au phénomène des avatars, plus l'homme peut être certain de devoir traverser les événements prophétisés. Croyez dans le Christ et vous vivrez l'Apocalypse. Ne croyez pas dans le Christ et vous vivrez l'Apocalypse. Parce que vos deux apparentes décisions sont régies par le passage de cet avatar. Croyez dans Bouddha et vous ne vivrez pas l'Apocalypse. Ne croyez pas dans Bouddha et cette partie ne vivra pas non plus l'Apocalypse. Parce que l'avatar de Bouddha n'a pas parlé d'Apocalypse et le cheminement de ceux qui y sont assujettis ne passe pas par un Apocalypse. Étant donné que l'humanité au complet arrive dans un engorgement de mélange collectif et que cela doit être replacé, la planète Terre entière a été recouverte par cette idée massive, tout à fait catholique, universelle, de l'Apocalypse. Alors, ceux qui ne croyaient pas dans le Christ ont cru dans Nostradamus. Ceux qui ne croient pas dans le Christ ou dans d'autres phénomènes croient quand même dans l'Apocalypse de Jean de Patmos. Les archanges ont expliqué à Jean une partie de l'avenir, de façon à instruire l'ego mémoriel de l'homme d'un événement à venir que s'il ne veut pas accepter de s'en rappeler dans l'avenir, il pourrait au moins dire « Je l'ai appris dans le passé, l'Apocalypse. » Il y a des avatars qui sont présentement réincarnés. Qu'est-ce qu'un avatar? L'avatar est non pas seulement une mémoire, l'avatar est une densification relativement massive de conscience, d'intelligence. L'avatar ne peut pas être exprimé dans une mémoire qui ne fait que se rappeler le passé. L'avatar ne peut être exprimé que dans le corps d'une mémoire qui a la faculté d'accepter le neuf, qui a la faculté de se rappeler l'avenir et qui a la faculté de se foutre du passé. Il y a des personnes sur la planète Terre qui présentement supportent des avatars. Ces personnes ont été régies par des êtres contrôle qui ont permis à certains égos de certains individus de laisser la place ou de se fusionner avec ces avatars. Ces hauts degrés d'expression de conscience ou d'intelligence à l'intérieur d'une molécularisation comme l'homme. Il y a de plus en plus d'hommes, d'êtres humains, qui vivent la phase melchisédienne, qui vont devenir des hommes nouveaux, qui vont devenir des courbeurs de temps. Le courbeur de temps est celui qui a la faculté de passer au niveau du point de vue de l'évolution de sa conscience par-dessus les mécaniques matérielles qui ne servent plus la restauration ou la restructuration de ses mémoires vers l'instantané. Lorsqu'un être humain accepte de vivre l'instantanéité des choses, nécessairement, il vit Melchisedec. Lorsqu'un être humain accepte de vivre l'instantanéité des choses, nécessairement, il transcende le cheminement mémoriel qui est préservé par les archanges. Lorsque l'être humain accepte de vivre l'instantanéité des choses, il n'a pas besoin de suivre un avatar. Il est son seul maître. Vivre l'instantanéité des choses n'est pas donné à toutes les formes de conscience qui habitent les mémoires, ce que vous appelez vos corps. Quelques humains sur la planète, en l'occurrence au Québec, auront la faculté d'échapper aux avatars, d'échapper aux archanges, parce qu'ils seront capables de courber le temps, c'est-à-dire de faire en sorte que l'instantané du passé rejoigne l'instantané de l'avenir. Ils auront la possibilité de courber le passé vers l'avenir. Lorsque tout semble s'effriter dans sa vie, lorsque tout semble devoir s'effriter sur la planète, c'est que les archanges reviennent en force. Et ils vont obliger les mémoires, l'homme, à se replacer dans son plan de vie. Étant donné que la faculté mémorielle du temps et de l'espace a la problématique de mémoriser, elle a mémorisé le passage du précurseur, mais en même temps, elle a la faculté de s'auto-expérimenter, elle a la faculté de s'auto-mémoriser. S'auto-mémorisant, elle mémorise l'expérience de la mémoire à travers la mémoire laissée par le précurseur. Autrement dit, l'être humain a la faculté de mémoriser l'événementiel, mais en même temps, il a la faculté de mémoriser les traces que lui-même, en tant que mémoire, laisse dans le canal mémoriel, dans le temps. Et c'est cela qu'on appelle l'astral. Et c'est cela qu'on appelle des forces d'évolution. Et c'est ces forces d'évolution qui collectivisent l'homme, qui font en sorte d'agglomérer la mémoire de l'homme, la mémoire de chacun des individus, dans une substance collective qui ne peut plus vivre l'évolution mémorielle de la conscience telle qu'elle a été orchestrée, organisée par le précurseur. L'archange a comme fonction d'empêcher ce qui de temps en temps se passe dans la mémoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous n'avons pas d'intentionnalité réelle dans l'expression de cette évolution sur notre planète. Par contre, le temps et l'espace, même s'ils sont cristallisés, surtout l'espace, qui est moins élastique que le temps, peuvent s'auto-régir ou s'auto-influencer l'un l'autre. Cela est prévu par le précurseur, mais le précurseur n'a pas passé là-dedans. Ce que je veux dire, c'est qu'en tant que mémoire, l'homme ne suit pas le même chemin réel que le précurseur, parce que l'homme est de la mémoire et le précurseur est de l'instantané. En tant que mémoire, l'homme suit le chemin tracé par le précurseur spécialement pour la mémoire, pour l'homme. L'homme n'est que de la mémoire. Son corps est de la mémoire, sa vie est de la mémoire, son âme est de la mémoire, son mental est de la mémoire. Tout cela est de la mémoire. Cette mémoire doit être sublimée. Et une sublimation, c'est, dans l'échelle de la matière, lorsqu'un solide devient vapeur sans passer par l'état liquide. Il est sublimé. La sublimation au niveau de l'évolution, c'est lorsqu'un phénomène mémoriel parvient à l'instantané sans devoir suivre le chemin bâti pour que, à son insu, elle parvienne à l'instantané. La sublimation matérielle, c'est lorsque la matière solide parvient à l'état gazeux sans qu'elle ait à passer par les mécanismes matériels et temporels, par les lois chimiques et physiques qui l'auraient obligé à passer par la phase liquide. Dans la matière, pour que cela se fasse, il faut que la température extérieure à la masse solide devienne rapidement très haute. Et le solide n'a pas le temps de devenir liquide. Le Melchisédek, le catalyseur d'évolution, le courbeur de temps, c'est cela. Lorsque l'homme devient melchisédien, lorsque l'homme, dans son évolution, accepte le neuf, ça ne se fait pas facilement. Parce qu'à travers la partie de l'homme qui accepte la conscience, donc qui accepte le neuf, il reste un problème majeur, la mémoire. La mémoire, c'est l'âme. La mémoire, c'est l'astral. La mémoire, c'est aussi la vie. Et dans le monde de la mort, on continue à vivre. Et la mémoire, c'est aussi le corps. Un gros problème manipule l'homme. La génétique de son corps. Qu'est-ce que sa génétique? La génétique est la mémoire du passé que nous trimballons avec nous, et c'est l'une des choses prévues par le précurseur et gérées par les archanges. À travers votre génétique, vous cumulez les mémoires de tout ce qui provient du passé, même si cette accumulation est instantanément présente chez vous. Et nous devons, en tant que conscience, poursuivre l'accumulation des mémoires au-devant de nous. C'est ce qui oblige l'humain, sans libre arbitre, à suivre un cheminement qu'il n'arrive pas à comprendre du point de vue de la conscience et qu'il n'arrive pas à comprendre du point de vue de la mémoire. Du point de vue de la conscience, il ne peut pas le comprendre parce qu'il n'est pas la conscience dans sa totalité. Et du point de vue de la mémoire, il ne peut pas le comprendre parce qu'il n'a pas la faculté biologique de se rappeler l'avenir. Alors, à travers l'évolution de la vie de l'homme, la majorité des choses qui l'animent, qui lui arrivent, semblent ne pas avoir de consistance intelligente. Alors l'homme est malade et l'homme se demande pourquoi. Alors l'homme fait tout pour guérir et l'homme reste malade. Alors l'homme fait tout pour s'enrichir, alors l'homme semble perdre ou perd tout court. Il y a énormément de mécanicité que nous appelons manipulation. Et du point de vue du peu de conscience qui habite l'homme et du point de vue de la mémoire qui habite l'homme, semble tout à fait libre d'intelligence. Ça semble con. La phénoménologie de la conscientisation n'est pas le cheminement à travers la mémoire laissé par l'événementiel du passage instantané dans le temps du précurseur. Ça, c'est l'évolution spirituelle. L'évolution spirituelle des masses est le cheminement en troupeau ou dans l'individualité à travers le canal archangélique-humain protégé et avatariquement révélé. Alors, dans la spiritualité, l'homme ne marche qu'avec la foi et qu'avec l'espoir, le peu de support mémoriel qui soit capable de supporter la mémoire du futur. Dans le cheminement de conscientisation, ce qui est autre chose que le cheminement de spiritualisation, la spiritualisation est le réchauffement progressif de l'homme. La spiritualisation interdit toute forme de sublimation. La spiritualisation est lorsque la glace devient de l'eau et lorsque l'eau devient la vapeur. La conscientisation est lorsque la glace devient de la vapeur. La conscientisation chez l'homme n'est donc pas question de mémoire, elle n'est pas question de croyance, elle n'est pas question de foi, elle n'est pas question de se faire libérer, parce que se faire libérer provient de l'assujettissement à la manipulation des avatars. La conscientisation est l'étape finale qui permet à une conscience habitant la mémoire de se libérer de la mémoire en paix, en préparant un autre cheminement au corps. Cela veut dire que lorsque la conscience qui habite la mémoire parvient à se libérer de la mémoire, elle engendrera avant son départ une mécanique hautement rigide pour que les mémoires poursuivent leur cheminement sans la conscience, de façon à ce que la mémoire, sans la conscience, parvienne à la finalité, à retrouver le Créateur, le précurseur. Cela veut dire que chaque fois que l'être humain devient conscient, il n'a pas d'autre solution que d'engendrer la spiritualité. Lorsque l'homme devient conscient, il doit obligatoirement laisser une prophétie dans la mémoire astrale de la collectivité, prophétie nourrie par la collectivité, qui permettra aux mémoires, sans la conscience, de suivre le chemin pour retrouver la conscience. C'est ce que le Nazaréen a fait. Votre conscience, chez vous, doit être encore plus développée. Pour cela, les mémoires qui devront la supporter, mental, astral, vital, physique, devront être encore plus aptes à recevoir du neuf. Lorsque la conscience chez l'homme est suffisamment développée, elle a la faculté de courber le temps. Courbant le temps, elle a le privilège, dans cette courbure, de rattraper l'instantané, le précurseur. il ne restera derrière elle dans ce phénomène créationnel que la mémoire de sa courbure, que la mémoire planétaire et que l'homme revivra comme étant le passage d'un dieu. Et il restera la mémoire prophétique, spirituelle, avataresque de ce qu'il aura laissé dans la mémoire archangélique pour que les mémoires de son propre passage en tant que précurseur, sans la conscience, poursuivent le chemin. Ce que je veux dire, c'est que toute évolution spirituelle est l'évolution d'une mémoire sans conscience et que l'évolution individuelle, solaire, est une mémoire qui supporte de la conscience et qui nécessairement devra, pendant un laps de temps, de façon à supporter un peu plus de cette instantanéité de conscience, se libérer de l'assujettissement de l'évolution, de la mémoire, de l'évolution spirituelle. Lorsque la conscience de l'homme est suffisamment avancée, lorsqu'il a la faculté de courber le temps de façon à sauter par-dessus tout le temps qui reste à l'évolution de la mémoire pour que la conscience rejoigne le reste, l'instantané, avant de quitter, il doit nécessairement orchestrer le phénomène archangélique. Il doit rajouter dans la tradition à venir des mécanicités qui vont s'occuper du reste de la mémoire sans conscience. Ceux qui n'ont pas assisté à la conférence sur les hommes miracles et qui ont de la difficulté à suivre ce que je dis, vous devrez vous procurer cette conférence. Il est intimement important du point de vue de l'ego et fortement utile du point de vue de la conscience de vibrer, de se désassujettir, de se désajuster de l'illusion de l'intentionnalité qui apparemment nous habite, de l'illusion de la volonté qui animerait l'homme. Il est important du point de vue de la conscience de bien vibrer que nous ne sommes pas vivants, mais que nous sommes de la mémoire. Je bois de l'eau parce qu'il a été prévu par moi-même lorsque j'ai créé la mécanique permettant à mes mémoires de se cumuler l'une dans l'autre pour venir me rejoindre, que dans le temps et dans l'espace, la friction de ces deux mécanismes engendrerait lentement la déshydratation du support de la conscience, les mémoires. Alors, j'ai structuré les archanges pour que celles-ci orchestrent des anges, pour que ceux-ci, chérubiniquement parlant, viennent diriger mon corps pour que celui-ci sente de temps en temps la déshydratation et permette d'engendrer un mouvement pour que je boive. Je ne peux donc pas dire que j'ai bu par décision intentionnelle. C'était réactionnel. Et non pas actionnel. Lorsque cela vibre bien chez soi, lorsque l'homme spirituel, parce que vous êtes tous des êtres spirituels, vous êtes tous des êtres assujettis à suivre la prophétie, assujettis à suivre un avatar, assujettis à suivre un maître, assujettis à être manipulé, assujettis à suivre l'orchestration archangélique du monde astral. Et en tant que phénomène spirituel, vous avez la faculté de supporter un phénomène instantané, intelligent. Et le phénomène spirituel doit être sublimé en phénomène intelligent. Le phénomène spirituel est celui qui vit la désillusion. Et celui qui vit d'espoir et qui souvent en manque. Et celui qui ne comprend pas et qui en souffre. Le corps de chair de l'homme est spirituel. Le corps vital de l'homme est spirituel. Le corps astral de l'homme est spirituel. Le corps mental de l'homme est spirituel. L'homme ne fait pas le PMC, l'homme ne fait pas les séminaires, l'homme ne fait pas des conférences, l'homme n'assiste pas à des choses, l'homme ne recherche pas l'évolution. S'il n'est pas spirituellement, l'espoir ou la conviction que cela va servir à quelque chose. Même celui qui se croit hautement mental est spirituel. Il est animé par de la spiritualité qui est reliée au phénomène de l'espoir, au phénomène de la croyance, au phénomène de la foi, au phénomène de l'avatar, au phénomène de l'archange. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Le problème est lorsque la conscience est omnibulée, lorsque la conscience est rejetée au profit de la mémoire. Lorsque l'énergie christique tend à descendre chez un être humain et que l'être humain rejette l'énergie christique au nom du Christ, il rejette l'intelligence au nom de la mémoire de l'intelligence. Lorsque l'homme n'a pas de contact christique et qu'il se dit un jour je l'aurai, il est spirituel. Il est de la même spiritualité que les témoins de Jéhovah, que les mormons, que les Krishnas, que les chrétiens, que l'islam. Mais l'expression de sa spiritualité engendrera quelque chose d'autre. On doit nourrir son ego. On doit instruire son ego. On doit instruire son âme. Cela veut dire que l'on doit permettre au phénomène archangélique de venir paramétrer l'évolution de l'ego et de l'âme pour que ceux-ci ne sentent pas qu'ils n'ont rien. Le spiritualisme reste chez l'homme. Mais la conscience, lorsque celle-ci s'exprime par la gestuelle, le vocable de l'homme, la conscience doit être déspiritualisée. Cette conscience doit s'exprimer sans être colorée. Parce que lorsque la conscience est exprimée sans être colorée, elle engendre le phénomène Melchizedek, elle catalyse l'évolution de la conscience, c'est-à-dire qu'elle catalyse dans une vision cosmique, non pas l'évolution de la conscience, mais le retour de la conscience vers l'instantané. Dans la réalité des choses, c'est que chaque fois que l'homme, la femme, l'enfant ont la faculté d'exprimer de l'instantanéité, c'est que déjà ils ont courbé le temps et sont parvenus là où ils doivent être. Mais à travers ce peu de courbure, plusieurs mondes parallèles ne sont pas courbés. En l'occurrence, le monde de la matière, le monde du vital, le monde astral, le monde mental. Mais ce n'est pas un problème. Toute la structuration de vos vies a été orchestrée en fonction de l'évolution de mémoire inconsciente vers l'instantané. De là naissent les événements planétaires, les souffrances, les maladies, le bonheur et le malheur, la paix et la guerre, la vie et la mort. Tout le cheminement, tout le phénomène évolutif dans lequel l'humanité est embarquée ne s'adresse qu'à la mémoire de l'intelligence. Et la mémoire de l'intelligence, cumulant mémoire de l'intelligence sur mémoire de l'intelligence, engendre l'illusion égoïque de l'intelligence. Et cette illusion de l'intelligence du point de vue de l'ego engendre l'expression de cette illusion, l'orgueil. Cela est prévu. Et cela va être hautement régi par le phénomène archangélique d'érection de l'évolution des mémoires, de l'évolution de l'âme. Et c'est pourquoi la souffrance, le bris, la désillusion a été prévue. L'homme passera là où l'homme doit passer. La conscience de l'homme a la faculté de sauter ses temps. Pour que la conscience de l'homme puisse sauter ses temps, la conscience de l'homme doit pénétrer un endroit qui peut être instantané. Lorsque nous devons opérer un corps physique, les mémoires et l'ego mémoriel souffrera tellement que l'opération est impossible. On ne peut pas l'opérer. Alors, on s'arrange pour projeter l'illusion de sa conscience dans le monde astral pour que l'illusion de la conscience n'ait pas à expérimenter l'opération mémorielle du corps. On dit anesthésié. Et lorsque le corps est anesthésié, l'expérience du point de vue de la conscience égoïque n'est pas souffrante, elle n'est pas dommageable, même si le corps suit son cheminement. Et lorsque la conscience revient, c'est fait. Il en est de même pour les apocalypses. Mais ce n'est pas la conscience de l'ego qui devra quitter. C'est la conscience consciente de l'homme. On prend une pause et on revient.